J'ai pas répondu à cette question sur le moment à l'époque, parce que d'abord, je disais que je trouvais ça amusant que cette information circule. Elle était d'ailleurs surtout relayée par des sites sionistes, hein, c'est assez marrant, et des sites libertaires dont les gens ont perdu le contrôle. Il faut savoir que Les Ogres, c'est un site qui avant était proche de Dieudonné, dont Dieudonné a totalement perdu le contrôle et qui aujourd'hui l'attaque systématiquement. Voilà. Alors moi, cette conversion, j'étais pas en Iran avec les autres gens qui sont sur la liste, parce qu'en fait c'était une liste de gens qui étaient partis en Iran. Et moi j'étais pas en Iran, bien que j'étais invité, simplement parce que j'avais mon livre qui sortait, qu'il fallait que je sois là pour m'occuper de mon livre. Voilà. Et donc je ne savais pas si c'était vrai ou pas, comme vous. Donc je me suis renseigné. Mon avocat, John Bastardi Daumont, qui est mon avocat, était sur la liste, lui s'est converti à l'islam. C'est une réalité. Voilà. Les autres, il semble que non. Moi, je ne suis pas converti à l'islam. Mais en revanche, ce qui est d'ailleurs une question privée, je vous dis d'ailleurs que si j'étais converti à l'islam, je pense que je n'en parlerai pas. Hein. Je ne veux pas en faire quelque chose de politique. Hein, voilà. Mais en revanche, je m'instruis, je lis, et j'essaye aujourd'hui, ça fait partie de mon travail, de comprendre, de connaître les convergences sur le plan des textes sacrés, entre les textes sacrés catholiques et les textes sacrés, le texte sacré, puisqu'il y en a un, musulman. Voilà. Et je m'intéresse très fortement à cette question, notamment de convergence entre la partie eschatologique du Coran et la partie eschatologique des évangiles, c'est-à-dire des textes chrétiens, notamment l'Apocalypse de Jean. Et je m'intéresse en ce moment, parce que je trouve que ça ressemble à ce qui se passe actuellement. Ces événements politiques qui se passent en ce moment ont aussi une résonance spirituelle et ressemblent beaucoup aux prophéties. Et j'essaye d'étudier, j'étudie, et je trouve des convergences aujourd'hui entre la vision catholique du monde et la vision musulmane. Mais voilà, c'est un travail personnel, spirituel, qui n'est pas un travail directement politique et qui n'a pas à être utilisé de façon politique, selon moi. Il y a des initiations, il y a des niveaux, voilà, il y a des sas à respecter, voilà. Donc, je ne suis pas converti à l'islam. Je m'intéresse fortement à cette question en tant que catholique et justement pour étudier les convergences entre le catholicisme et l'islam. Je fais aussi un travail parfois un peu prosélyte où je montre comment. Parce que les gens ne le savent pas en France, que Jésus-Christ et sa mère Marie sont très très bien traités dans le Coran, contrairement à d'autres textes religieux, notamment comme le Talmud. Ce que les gens ne savent pas, et c'est important de le faire savoir, voilà, que Jésus a une place, est au-dessus du prophète Mohammed dans l'islam, puisqu'il est le Messie, non pas au sens trinitaire catholique, mais il est le Messie au sens musulman. Hein. C'est lui d'ailleurs qui reviendra pour vaincre l'Antéchrist, vous le savez. Mmh. Voilà, donc moi je m'intéresse à la convergence des textes sacrés et eschatologiques de l'islam et du catholicisme, et je trouve beaucoup de convergences. Et je puise aussi ma solidarité avec les musulmans, non seulement dans la géopolitique, dans la morale et dans l'instinct, et dans mon passé personnel aussi, puisque je suis issu de la banlieue et que je suis, pour certains qui le savent, instructeur fédéral de boxe anglaise, et j'ai côtoyé dans les salles de boxe beaucoup plus de jeunes Français originaires du Maghreb et de l'immigration que de fils de notables et de fils d'élus UMP, vous le comprendrez très bien sociologiquement. Donc aujourd'hui, pour des raisons géopolitiques, intuitives, idiosyncrasiques, sociologiques et spirituelles, je crois à la convergence et à l'union sacrée dans le combat que nous devons mener contre le mondialisme qui est satanique. Je crois à ce combat nécessaire commun entre les musulmans, les vrais musulmans et les vrais catholiques. Voilà. Et cette vérité, je la trouve, je vous le dis, dans toutes les dimensions matérielles et historiques, mais aussi dans les textes sacrés, ce qui me fait penser que nous vivons une période particulière de l'histoire à l'échéance 2012, puisque c'est une période où convergent, comment dirais-je, les prophéties sacrées et les analyses les plus matérielles, ce qui est un signe, à mon avis, des temps. Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu assez complètement à votre question, pour vos auditeurs, musulmans ou pas d'ailleurs. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais pas répondu jusque-là à cette question, parce qu'elle mériterait, je dirais, une réponse approfondie, et c'est peut-être la première fois d'ailleurs que je donne une réponse assez approfondie à cette question.